إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 7 dans l'explication du livre تأكيد المسلمات السلفية. Et c'est, comme on l'avait expliqué, la réfutation d'une fatwa qui a été faite au sujet des Asha'ira de la part de trois shuyukh qui essayaient de dire que les Asha'ira font partie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et du groupe sauvé. Et donc le Cheikh Abdelaziz ibn Raïs al-Raïs, il a expliqué et il a montré avec des citations et des preuves que les gens des sectes des Asha'ira et des Maturidiyya font partie des groupes des garments et ne font pas partie du groupe sauvé et qu'ils ne font pas partie non plus de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Donc la dernière fois, on a parlé de certains points dans lesquels les gens de la secte des Asha'ira ont dévié au sujet de différents points dans Al-Aqida, et aujourd'hui, on arrive au point numéro 3, al-fasl al-thalith, et c'est min qawa'id ahl al-sunnah ada ahl al-bid'ah. Donc ça veut dire que parmi les principes de ahl al-sunnah, c'est qu'il y a l'opposition aux gens de la bid'ah, l'opposition aux gens de la bid'ah et la haine des gens de bid'ah. Donc on va expliquer inshallah ce chapitre-là, et c'est très intéressant, ça nous explique le manhaj. Ça nous explique le manhaj d'Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet des gens de bid'ah. On va voir par la suite donc que, une fois qu'on a vu ça, si on met ça en comparaison avec qu'est-ce qui se passe de la part des Hizbiyyins aujourd'hui et de leur attitude envers les groupes de bid'ah et les individus qui défendent et qui propagent la bid'ah, on va comprendre tout de suite que il y a une différence et un écart entre les salafs et eux, comme l'écart qui sépare les cieux et la terre. D'accord? Donc le cheikh il dit min shiddati ahl as-sunnah fi hadha al-bab annaka idha sami'ta kalamahum fi at-tahdhir min ahl al-bid'ah ظننتهم يهونون أو يهونون من شأن المعاصي الشهوانية وليس الأمر كذلك وإنما لعظم البدع وخطورتها صغر جرم المعاصي الشهوانية بالنسبة إلى البدع. Le Cheikh il dit que on voit à quel point la dureté des gens de Ahlus Sunnah est grande à ce point-là, du fait que lorsqu'on entend les paroles des gens de bid'ah, lorsqu'on entend les paroles des ulama d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, lorsqu'ils avertissent contre les gens de bid'ah, t'as l'impression qu'ils prennent les gens qui font des péchés qui ont rapport avec les désirs et les passions, t'as l'impression qu'ils prennent ces gens-là comme à la légère, par rapport aux gens de bid'ah. C'est-à-dire, quand ils avertissent contre les gens de bid'ah, tu dis, subhanallah, ils parlent plus et ils critiquent plus les gens qui font des bid'ah, et il les montre envers eux plus d'animosité et plus de haine qu'ils le font par rapport aux gens qui font des péchés qui ont rapport avec les déserts et les passions, comme par exemple les gens qui font le zina ou qui font d'autres genres de péchés qui ont rapport avec les passions. Donc le cheikh il dit, et ça c'est le cheikh il dit Et c'est pas le cas en réalité. C'est pas le cas. C'est pas parce qu'il dénigre ou qu'il donne peu d'importance à ces péchés-là, mais en réalité, c'est à cause du danger et de la grandeur de la gravité des bédas par rapport aux péchés qui ont rapport avec les passions. C'est-à-dire les bédas, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus grave. Et on va voir des exemples de ça à travers les paroles des imams de Ahl-Sunnah wal-Jama'a et des Salaf. Comment ils ont expliqué ce principe-là dans leurs livres, quand ils ont écrit au sujet de la Sunna et de la défense de la Sunna et du manhaj des Salaf Salih. Donc, le Cheikh il mentionne, il dit, قال l'imam al-Barbahari, l'imam al-Barbahari, c'est un des imams de Ahl-Sunnah wal-Jama'a de l'époque de l'imam Ahmad. Et c'est un des compagnons de l'imam Ahmad, et il a écrit un livre qui s'appelle Sharh al-Sunnah. Et dans ce livre, il explique la position de Ahl-Sunnah wal-Jama'a par rapport aux différents points qui ont rapport à la Sunna et à l'Aqida et au Manhaj. D'accord? Et c'est un des livres parmi les plus intéressants et les plus puissants qui résume l'Aqida des Salaf. D'accord? Donc dans ce livre-là, parmi les points qu'il mentionne, il y a le point où il dit « وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلْ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ رَدِيءُ الطَّرِيقُ وَالْمَذْهَبُ فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في الطريق أو في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Barbahari رحمه الله il dit lorsque tu vois un homme qui fait partie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a et qui a une mauvaise voie, c'est-à-dire dans son comportement, il est mauvais, il fait des péchés, c'est un fasiq, quelqu'un qui fait des péchés ouvertement. Et puis il est fajr, c'est quelqu'un qui est connu pour des péchés, et quelqu'un qui est connu pour être, disons, pas tellement quelqu'un qui respecte les préceptes de l'islam en ce qui concerne le comportement et yani, la morale. Eh bien il dit, mais s'il est sur la sunna, quand on dit sur la sunna ici, on parle de la bonne aqida et le bon manhaj. C'est-à-dire, c'est pas un muqtadir. C'est un musulman sunni, salafi, dans l'aqida. Il fait pas de bid'a et il croit pas au bid'a et il déteste les bid'a. Sauf que dans sa religion et dans sa foi, il est faible. Peut-être qu'il fait certains péchés, hein. Peut-être qu'il fume, peut-être qu'il boit, ou peut-être qu'il fait d'autres choses comme ça. Sauf qu'il sait que c'est haram et il a honte de ça. Et il demande pardon à Allah de faire ces choses-là. Peut-être il rase sa barbe, peut-être qu'il fait d'autres genres de péchés comme ça. Mais il a honte de ça, il demande pardon à Allah de ça, et il cherche à se repentir de ces choses-là. D'accord? Donc il dit, si tu le vois cet homme-là qui est sur la bonne aqida, mais qui a des péchés, qui est égaré dans son comportement, qui fait des péchés, alors il n'y a pas de problème si tu restes avec lui et que tu t'assois avec lui. Parce que son péché, ça reste sur lui et ça ne va pas venir sur toi. Hein? Ça ne va pas te nuire. Mais si tu vois un homme qui est très très très fort dans l'adoration, hein, qui s'éloigne des choses en apparence qui sont haram et qui fait beaucoup beaucoup d'adoration, qui peut avoir même une apparence d'un homme très très religieux et très pieux, soit qu'il a une grosse barbe, il porte toujours le kamis, hein, il montre l'apparence de quelqu'un qui est très très religieux, sauf que il est sur une bid'a et sur une hawa, comme par exemple les khawarij, ou les gens qui ont une bid'a, comme par exemple les soufis, ou d'autres gens de cette catégorie-là, qui sont parmi les gens de bid'a, et qui défendent la bid'a, et qui aiment les bid'a, hein. Donc, même si tu le vois dans cet aspect de religion, puis de défendre la religion, et de la piété, et tout ça, ne t'assois pas avec lui, hein. Et n'écoute pas ses paroles, et ne marche pas avec lui sur le chemin. Parce que je n'ai pas confiance, hein, c'est-à-dire, je pense pas que tu es en sécurité contre lui, que à force de rester assis avec lui, tu vas être d'accord avec sa voie, et que tu vas le suivre sur cette voie, et que tu vas périr avec lui. Donc, ça nous montre que le danger des gens qui font des péchés ordinaires, hein, et parmi les péchés, c'est moins grave, les conséquences de ça sont moins graves que les conséquences de la bid'a. Hein, parce que les conséquences d'une bid'a, ça t'égare du droit chemin, et ça te fait voir ce que Allah déteste, comme si tu commences à le voir comme si c'était quelque chose de bien, comme si c'est quelque chose de bon. Hein. Comme par exemple de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de déclarer les musulmans kuffars parce qu'ils font des péchés, ou bien de croire qu'il est permis dans l'islam de se rebeller contre les dirigeants et de faire des actes de terrorisme ou d'attentats ou de révolte contre eux, de croire en ces choses-là, hein, ça c'est plus dangereux comme conséquence dans ta religion que juste de faire des péchés et des choses de ce genre. Hein. Et il donne pour illustrer ça une anecdote qui est arrivé à l'époque d'un des imams des salafs. Son nom c'est Younes ibn Ubayd. Hein? Il dit, « Ra'a Younes ibn Ubayd ibn wa qad kharaja min indi sahib hawa. Faqal, ya bunayya, min ayna jait? Qala, min indi fulan. Qala, ya bunayya, la an araka kharajta min bayti khulfa, أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان ولأن تلقى الله ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنث لا يصل ابنه عن ديني لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله عن حتى يكفر. Donc ça c'est dans شرح السنة. Il donne un exemple ici, l'imam al-Barbahari. Il dit que ça a été rapporté que Younes ibn Ubayd, il a vu son fils sortir de la maison de Mubtadi'. Et dans une autre narration, dans un autre livre, on explique que cette personne de qui il est sorti, si je me souviens bien, c'était Amr ibn Ubayd. C'était un Mu'tazili, hein, qui nie al-Qadar, et qui appelle à la rébellion contre les dirigeants, et qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres péchés de ce genre. Ça, c'est des bid'as dangereuses. Parce que si quelqu'un s'enfonce dans ces genres de bid'as-là, il risque de s'égarer jusqu'au point où il commette quelque chose qui a rapport avec le kufr ou le shirk à la longue. Hein? La même chose pour la bid'a du Mawlid al-Nabawi. Peut-être en apparence, ça peut paraître innocent pour certains. Sauf que quand quelqu'un s'enfonce dans cette bid'a et commence à fréquenter les cercles de personnes qui assistent à ces choses-là et participent dans ces choses-là, il risque de rentrer dans des bid'a qui sont plus graves encore. Parce que le Mawlid, c'est juste le début de leur bid'a. C'est juste l'apparence de leur bid'a. Mais après ça, il y a d'autres choses. L'adoration même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'autres aspects aussi qui ont rapport avec des croyances qui sont contraires au fondement de la religion, comme Wahdatul Wujud, et d'autres choses de ce genre, l'adoration des tombes et des saints et des morts. Et donc, ça c'est une bid'a qui en apparence semble innocente peut-être pour certains, puis qui les amène petit à petit vers d'autres bid'a qui sont plus graves, parce que les bid'a sont des degrés. Il y a des bid'a qui sont shirk, akbar, qui t'amène en dehors de l'islam. Il y a des bid'a qui sont kufr, akbar. D'autres qui sont kufr ou shirk asrar. D'autres qui sont parmi les kaba'ir. Et donc, c'est graduel. Mais quand même, il faut faire attention aux bid'a. Et que ça peut amener quelqu'un même à la mécréance au fur et à mesure. D'accord? Donc, de prendre ça en considération. Ça, c'est un exemple d'un des imams. Et pour continuer la citation de qu'est-ce que le cheikh a dit, il a dit, « Oh mon fils, d'où viens-tu? Où est-ce que tu étais? » Il a dit, « Je viens d'un tel, de la maison de chez un tel. » C'est-à-dire, « Je viens de chez telle ou telle personne. » Il lui a donné le nom de la personne. Il a dit, « Oh mon fils, je préférerais te voir sortir de la maison d'un travesti, hein, que de te voir sortir de la maison d'un tel ou un tel, en parlant des jeunes bid'a. » C'est-à-dire, je préfère te voir sortir de la maison de quelqu'un qui s'habille comme une femme, hein, qui est un homme qui s'habille comme une femme et qui ressemble à une femme et qui est efféminé, malgré ce que ça implique de danger et de péché, je préférerais te voir sortir de ce genre de personne-là que de te, ou bien d'une prostituée, de la maison d'une prostituée. Hein, ça c'est un exemple. Je préfère de te voir sortir de la maison d'un homme. Là, il a donné l'exemple. Al-Khunsa, c'est un homme efféminé. Hein. Et il a pu donner d'autres exemples. Ça aurait pu être de la maison d'une prostituée ou la maison de quelqu'un comme des gens qui font des péchés, hein, qui boivent de l'alcool ou des choses comme ça, hein, ou un bordel ou des genres de d'endroits comme ça. Hein. Il dit, je préférerais te voir de sortir de ces endroits-là que de te voir sortir de chez un mubtadi'. C'est comme par exemple, il préférait peut-être le voir sortir de cet endroit-là que de le voir sortir de la mosquée des mubtadi'a parmi les soufis, hein, ou de la mosquée des khawarij, ou de la mosquée des gens où ils pratiquent et ils appellent à une bid'a en particulier parmi les bid'a, hein, ou bien de le voir se tenir avec ces gens de bid'a, parce que c'est plus grave et c'est plus dangereux comme conséquence. Il dit, je préférerais te voir rencontrer Allah au jugement dernier, ô mon fils, comme étant un adultère, un pécheur, un voleur, un traître, que de te voir avec telle ou telle opinion de tel ou tel ignorant, de tel ou tel mubtadi' ou égaré parmi les mubtadi'a. Donc, c'est pour dire que de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier avec un péché, et que tu sais que ce péché-là, il est haram, et que tu as honte de ce péché, c'est moins dangereux comme conséquence au jugement dernier que de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec une bid'a parmi les bid'a. Ok? Et donc c'est pour ça que le chef il dit ça. Et l'imam al-Barbahari il explique ensuite, il dit, ne vois-tu pas que Younes ibn Ubayd a su que le khunsa, le travesti, ne va pas égarer son fils de sa religion, tandis que l'homme qui suit la bid'a risque de l'égarer de sa religion jusqu'à ce qu'il rejette la foi. Donc ça c'est dans Usul Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. Ok, Sharh Usul al-Sunnah. Donc ça nous fait comprendre. Il y a un autre exemple un peu semblable à celle-ci dans l'exemple de l'imam Ibn Taymiyyah une fois dans un débat qu'il a eu, hein, avec les soufis. Et les soufis lui avaient dit, j'ai déjà mentionné cet exemple-là dans notre cours. Les soufis lui ont dit, Yanni, nous on amène les gens à se repentir. À l'islam. On amène les gens à se repentir et à revenir à l'islam. Il dit, quel exemple? Donnez-moi un exemple. De quel genre de péché ils se repentent? Il dit, ils se repentent parce qu'il y en a qui étaient des brigands, des voleurs. Puis quand ils sont venus avec nous, ils se sont repentis. Et puis ils ont suivi la voie des soufis. Hein. Alors le cheikh, il a dit, ils étaient meilleurs et mieux avant, quand ils faisaient le vol et ces crimes-là, que maintenant, lorsqu'ils sont avec vous. Parce que avant, ils faisaient des péchés, ils savaient ce qu'ils faisaient, c'était haram, hein, et ils espéraient le pardon et la miséricorde d'Allah. Tandis qu'aujourd'hui, ils font ce que Allah déteste, et ils pensent que Allah aime ces choses-là. Et ils se répandent, ils rendent halal ce qui est haram, et ils rendent haram ce qui est halal. Et ça, c'est beaucoup plus grave, hein. Alors, des fois, vous entendez ça de la part de certains mubtadi'a et de certains égarés, parmi les tabliriyin ou bien parmi d'autres jama'at, ils disent, nous on amène les gens à se repentir, avant ils étaient dans les cafés, dans les bars, dans les endroits comme ça, maintenant ils sont avec nous. Oui, ils sont avec nous, mais maintenant, yani, avant ils faisaient des péchés, ils savaient que c'était haram, maintenant ils font peut-être pas ces péchés-là, mais ils font pire encore, ils font des bid'as, et vous les amenez vers le shirk peut-être, ou vers d'autres bid'as qui sont plus graves encore. Comme le frère, il dit, il y a des imams, parmi les imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a, il dit, من أحيا سنة, من أحيا بدعة, فقد أمات سنة, ou quelque chose comme ça. Dans ce sens, c'est comme celui qui a fait vivre une bid'a ou qui a inventé une bid'a, c'est comme s'il a tué une sunna. Il a tué un principe de la sunna. Et même, il y a des paroles des salafs qui disent, celui qui a aidé un mubtadi', c'est comme s'il a aidé à la destruction de l'islam. Hein? فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ. Il y a des gens qui ne prennent pas ça en considération, tu vois, et ils essaient de les défendre sans comprendre le danger et la conséquence de ça. Il cite ensuite le cheikh la parole de l'imam al-Shafi'i dans un autre livre, c'est-à-dire le livre de l'imam al-Bayhaqi, hein, au sujet de al-i'tiqad. Il dit, قال الإمام الشافعي رحمه الله لأن يلقى الله العبد لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء. C'est une parole de l'imam al-Shafi'i. Et vous savez comment les gens de Bid'a, ils aiment essayer de montrer qu'ils ont une certaine crédibilité en se référant aux imams des madahib de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et ils essaient de faire croire aux gens qui ont peu de connaissances que ces imams des quatre madahib sont d'accord avec leur voix et leur bid'a. Hein? J'ai même entendu une fois dans une cassette de Tariq Ramadan où il essayait de dire que les quatre imams des madahib sont des soufis. Hein? Et ça, c'est un blasphème et un mensonge contre eux. Hein? Et la même chose comme l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre Talbis Iblis, quand il réfute les soufis, il mentionne que certains parmi les soufis dans leur livre, si je ne me trompe pas, c'était un des soufis qui a écrit le livre qui s'appelle Qut al-Qulub, si je me souviens bien, il essaie de prétendre que certains parmi les soufis essaient de faire rentrer parmi les soufis Abu Bakr, Omar, Osman et Ali et les Sahaba, et prétendent que c'était des soufis. Hein? Et donc ça, c'est des exemples, comment ils essaient de mentir à leur sujet. Parce que, hein? Exactement. Donc ça, c'est des mensonges, yani, qu'est-ce qu'ils disent. Et il n'y a pas de doute que, qu'est-ce qu'eux, ils font dans leur turq soufia aujourd'hui, et qu'est-ce qu'ils suivent comme bida et comme superstition et comme égarement, ça n'a rien à voir avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni avec l'enseignement des sahaba et des tabi'in, de ceux qui les ont suivis, ni avec les quatre imams des mazahib de Ahl Sunnah. Et ici, on voit une des citations de l'imam al-Shafi'i, qui montre comment il détestait les bid'a. Et ça, ça a été rapporté de la part de tous les imams de Ahlus Sunnah, qu'il détestait les gens de bid'a et la bid'a. Et il dit, c'est préférable pour un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rencontrer Allah avec tous les péchés, excepté le shirk, bien entendu, parce que le shirk, Allah ne le pardonne pas. Il n'y a rien de plus grave que le shirk, mais si un serviteur d'Allah rencontre Allah avec tous les péchés au monde possible, sauf le shirk, c'est meilleur pour lui que de rencontrer Allah avec quelque chose qui a rapport avec les ahwa, c'est-à-dire avec les innovations et les bid'a. Ok? Les salafs, ils appellent les bid'a par le terme ahwa ou hawa. Hawa, c'est le pluriel, hawa, c'est le singulier, et ahwa, c'est le pluriel. Et ça veut dire les passions et les désirs. Pourquoi? Parce que la bid'a, elle ne repose pas sur aucune preuve. Elle ne repose sur aucune preuve du Coran ou de la Sunna ou de l'Ijma des Salafs. Donc, elle est basée principalement et fondamentalement sur les désirs et les passions. Hein? Et si vous regardez le livre de l'imam Shatibi qui s'appelle Al-I'tisam, il y a un chapitre justement où il explique le lien entre les bid'a et al-hawa, et pourquoi on appelle les mubtadi'a ahl al-hawa. Donc si vous voulez savoir encore plus de détails à ce sujet-là, vous pouvez retourner à ce livre qui est un des livres les plus importants et les plus détaillés au sujet de la bid'a et de la voie de ahl al-sunnah wal-jama'a, qui est écrit par un des imams, l'imam al-Shatibi, qui était en Andalousie, qui était de l'Andalousie. Donc, on voit ici une parole très forte de l'imam al-Shafi'i qui montre à quel point la bid'a peut être dangereuse. Ici, ensuite, il dit, وَقَالَ الْإِمَامَ أَحْمَدْ رَحِمَهُ اللَّهِ وَقُبُورُ أَهْلِ السُنَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ رَوْضَةِ وَقُبُورُ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الزُّهَادِ حَفْرَةِ فُسَّاقُ أَهْلِ السُنَّةِ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَزُهَادُ أَهْلِ الْبِدَعِ أَوْ أَهْلُ الْبِدْعَةِ أَعْدَاءُ اللَّهِ. Ça c'est fort ça, c'est une autre citation, une autre parole qui est attribuée à l'imam Ahmad dans le livre Tabaqat al-Hanabila, dans le volume 1, la page 184, où l'imam Ahmad a dit, les tombeaux ou les tombes des gens, les cimetières des gens d'Ahl Sunnah, hein, parmi les gens qui ont fait des grands péchés parmi eux, sont des jardins. Hein? C'est-à-dire des jardins, comme des petits jardins du paradis, comme on a appris à propos de Azab al-Qabr, que dans la tombe il y a soit des délices ou soit un châtiment. Hein? Et bien, les tombes des gens de la Sunna sont des petits jardins du paradis, ou des petits délices dans la tombe des gens qui ont fait des grands péchés. Tandis que les tombes des gens de Bid'a sont des trous parmi les fosses des trous de l'enfer. Hein? Ils sont châtiés. Malgré qu'ils sont peut-être parmi des gens qui faisaient des adorations et qui s'éloignaient des kaba'ir. Parce qu'ils ont fait des bid'a. Et il dit, les pécheurs parmi les gens de Ahlus Sunnah sont des alliés d'Allah. Sont des awliya. Hein? Sont des rapprochés d'Allah. Hein? Tandis que les gens qui s'écartent de la dunya et qui font de l'adoration parmi les gens de bid'a sont des ennemis d'Allah. Ça c'est quelque chose qui est peut-être très compliqué à comprendre pour les gens qui n'ont pas compris la signification de la voix des salafs et des gens d'Ahl Sunnah et le danger de suivre la bid'a. Et comme on a expliqué déjà, c'est pas nécessaire pour quelqu'un même de faire la bid'a elle-même pour qu'il soit parmi les gens de bid'a. Le fait même d'aimer la bid'a et de défendre la bid'a et de s'opposer à ceux qui interdisent cette bid'a et qui combattent cette bid'a et de détester ceux qui combattent la bid'a parce qu'ils combattent la bid'a, ça c'est suffisant pour que quelqu'un soit parmi les gens de bid'a, même si lui-même il ne la fait pas. Hein, si quelqu'un dit non, moi je fais pas le maulid, je crois pas en ça, sauf que il déteste tous ceux qui interdisent ça et qui combattent ça et qui montrent les preuves contre ça, etc. Ça c'est un exemple. Hein. Et la même chose pour ceux qui défendent les soufis ou qui défendent les khawarij. Hein, ou qui défendent les autres groupes de bid'a parmi les Ikhwan, Etablir et des autres. Donc même s'ils disent non, on n'est pas d'accord avec eux, ou bien on fait pas ça, mais on est d'accord, ou bien non c'est ça. Même s'ils disent on est d'accord avec eux, hein, ou on les défend et ils se fâchent pour eux et ils défendent ceux qui défendent ils aiment ces idées ou ceux qui défendent ces idées là et ils sont contre les gens d'Ahl Sunnah qui les critiquent, donc ceux-là sont parmi eux. Et donc si quelqu'un a fait des péchés, mais il fait partie des gens d'Ahl Sunnah, il fait partie des Awliya. Et ça nous montre, ça c'est une parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal, hein, qui nous montre, rahimahullah, qui nous montre que le concept de Wali dans l'islam, selon Ahl Sunnah wal Jama'a, il est complètement différent de celui des Soufis. Parce que le Wali, hein, le saint, soi-disant, comment il traduit en français, le wali, dans l'islam, pour eux, le wali pour les soufis, hein, c'est quelqu'un qui ne fait pas de péché. C'est quelqu'un qui ne commet aucun péché, qui est infaillible de faire des péchés. Hein? Ça, c'est leur définition du wali. Et qui fait certains miracles, hein, et des tours qui sortent de l'ordinaire. Donc, pour eux, ça, c'est une condition pour être un wali. Et qu'ils connaissent l'invisible. Hein? S'il ne connaît pas l'invisible, il n'est pas un wali. Il y a plein d'autres exemples comme ça, des conditions qui se sont établies pour déterminer qui est un wali ou non. Et donc, ils rentrent parmi la définition des awliya, ils font entrer même des charlatans, des magiciens, des sorciers, des shirks, des garments, des gens de bid'a même. Hein? Et donc, l'imam, ici, il nous dit, l'imam Ahmed, il nous dit, même les pécheurs, hein, quand on dit les pécheurs, des gens qui ont fait des péchés qui sont en bas du shirk, c'est-à-dire qui ne sont pas shirk ou kufr, ces gens-là, et qui sont morts sur la sunna, qui sont loin des bid'a, sont des awliya d'Allah, hein, parce que ce n'est pas une condition pour être un wali qu'on soit parfait et protégé du péché. Hein. Allah il dit, « Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim, wa la hum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. » Les awliya, les alliés d'Allah, ils n'auront aucune crainte, ni ne seront-ils affligés, hein, et ce sont ceux qui ont cru et qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne une autre citation de Arta ibn al-Munzir dans son livre Al-Sharh wa al-Ibana an usul al-Diyana. Il dit la an yakuna ibn fasiqan min al-fustaq ahabu ilayya min an yakuna sahib hawa. Il dit, je préférerais que mon fils soit un pécheur parmi les pécheurs que de le voir être un mubtadi' ou quelqu'un qui a une hawa ou une bid'ah. Hein? C'est beaucoup plus dangereux la bid'ah. Wa qala Sa'id ibn Jubayr, li an yashab ibni fasiqan shatiran sunniyan أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. لشيخ ذي سعيد بن جبير c'est un des imams des tabi'in, il dit que il dit je préfère voir mon fils prendre comme compagnon un pécheur qui est sur la sunna que de voir ou qui est sur la bonne aqida que de voir mon fils prendre comme compagnon un adorateur d'Allah qui est dans la bid'a. Ça c'est dans le même livre Al-Sharh wal-Ibana عن وصول الديانة. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Abu Osman al-Sabuni, celui qui a écrit le livre Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Il dit وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ الْأَهْوَاءِ وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ الَّذِينَ أَحْدَثُوا فِي الدِّينِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يَصْحَبُونَهُمْ وَلَا يَسْمَعُونَ كَلَامَهُمْ وَلَا يُجَالِسُونَهُمْ. الشيخ il dit que Abu Osman al-Sabuni, rahimahullah, il disait que les gens d'Ahl-Sunnah et les Salaf, ils détestaient les gens de Bid'ah, ceux qui ont inventé des choses dans la religion qui n'ont rien à voir avec la religion, et ils ne les aiment pas, ils ne les prennent pas comme compagnons, et ils n'écoutent pas leurs paroles, et ils ne s'assoient pas avec eux. Ils ne s'assoient pas avec eux. وقال واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم ومستضيء بأنوارهم ناصح لإخواني وأصحابي أن لا يلزقوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه ولا يغرنك أو ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل السنة من علامات اقتراب اليوم الحق فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة إذ الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. Donc ici on a une citation de l'imam Abu Osman al-Sabuni qui est très très fort encore. Il dit que comme on a dit, ils se sont mis d'accord, les salafs et les ulama de hadith et les gens de hadith, ils se sont mis d'accord sur le fait que, pour dire que, ils doivent, disons, écraser les gens de bid'ah et les humilier et les éloigner, hein, et ne pas rester avec eux, hein, de s'éloigner d'eux et de ne pas les prendre comme compagnons et de ne pas vivre avec eux ou de se rapprocher. Qu'ils prennent le fait de faire ces choses-là, de s'écarter d'eux et de les boycotter, de s'éloigner d'eux, ils prennent ça comme une manière de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit par Allah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et par sa miséricorde, et par sa grâce, et par son mérite, je suis leur voix, c'est-à-dire je suis la voix des salaf salih. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit par leur grâce, je suis leur voix et je m'écarte des gens de bid'ah. On vous l'a dit, je suis la voix des salaf dans cet exemple-là. Et je donne le conseil à mes frères et à mes compagnons de s'éclairer de leur phare, du phare des salafs, hein, qu'ils prennent la lumière qu'ils ont laissée et qu'ils suivent et qu'ils ne suivent rien d'autre que leurs paroles et qu'ils s'occupent et qu'ils ne s'occupent pas de ces innovations et de ces inventions qui sont devenues populaires chez les gens parmi les musulmans et des choses qui sont inconnues et qui sont rejetées parmi les questions qui sont apparues et qui se sont propagées parmi les musulmans. Il dit, et si une des bédas qui sont connues aujourd'hui parmi les bédas qui sont répandues chez les gens aurait été entendue dans la langue de quiconque à l'époque des imams des salafs, c'est-à-dire si les imams des salafs auraient entendu une de ces paroles de bédas sortir de la bouche d'une personne à leur époque, il l'aurait écarté et boycotté et il l'aurait déclaré comme étant un mubtada et il l'aurait démenti et il aurait fait subir toutes les punitions et les choses mauvaises possibles. Ils auraient parlé en mal de lui et ils lui auraient montré le mal qu'il fait. Non. Il dit, et ne te laisse pas tromper, ô mon frère, ô mes frères, qu'Allah vous préserve, ou qu'Allah les préserve. Ne vous laissez pas éblouir ou tromper par la quantité des gens de bid'ah et le fait qu'ils soient en grand nombre. Ça, c'est une chose qui est importante, surtout à notre époque. Parce qu'on voit que le nombre des gens de bid'ah est grand dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Et donc, des fois, le fait qu'ils soient en grand nombre, les gens pourraient avoir l'impression, ah, mais s'ils sont si nombreux, ça c'est un signe que peut-être ils sont sur la vérité. Non, ne te laisse pas tromper par cette idée-là, parce que ça n'a rien à voir. Le cheikh, il dit que le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient sur le mensonge et l'égarement, et qu'il y ait peu de gens qui suivent la vérité, ça fait partie des signes que l'heure de la vérité est proche. Ok? Et ça fait partie des signes que l'heure approche. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de l'heure, et que l'heure se rapproche, il y a le fait que la science sera moindre, on aura moins d'accès à la science, et qu'il y aura plus d'ignorance. Et le cheikh, il dit que la science dont on parle ici, en fait, c'est la sunna, et l'ignorance dont on parle ici, c'est en fait la bid'ah. Et ça, c'est dans le livre Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam Abu Usman al-Sabuni. Après, le cheikh, il dit, l'imam, le cheikh Abdul Aziz al-Rais ibn Rais, il dit, بل بلغت شدة السلف على المبتدعة أنهم يغلظون في التعامل معهم في الدنيا أكثر من الكفار وإن كان المبتدع في الآخرة خيرا منهم ولكن لما كان ضرر الاغترار بهم أكثر من الكافر شددوا عليه أكثر في الدنيا بل إن أئمة السلف يشددون على المبتدع أشد من شدتهم على الكفار من حيث التعامل في الدنيا والتحذير منهم وإن كان المبتدع في الآخرة خيرا من الكافر لأن المبتدع لا يزال مسلما وسبب تشديد السلف أن المبتدع يخشى من ضرره على الإسلام والمسلمين أكثر من الكافر لأنه يتكلم باسم الدين ومثله يغدر به من لا علم عنده لأنه مسلم ولأنه يمزج الباطل بشيء من الحق أما الكافر فلا يقبل كلامه في الإسلام لكون كفره معلوما ظاهرا فلا يغتر به. Le cheikh, il dit, il explique un principe et un point important ici maintenant, l'imam, le cheikh Abdel Aziz ibn Raïs. Il dit que lorsqu'on voit la dureté des salafs envers les mubtadi'a, on réalise que la dureté des salafs a atteint un point tellement grand que ils sont parfois plus durs dans leur manière d'agir avec les mubtadi'a dans cette dunya qu'avec les kuffars. Ça, c'est quelque chose des fois que les gens de Bid'a, ils ont de la misère à accepter, ils comprennent pas. Ils disent, ah vous, vous êtes durs. Ils disent, ah vous, les salafis, vous êtes trop durs. Hein. Et bien entendu, ils comprennent. Parce qu'ils disent ça parce qu'ils comprennent pas les principes. Hein. Quand ils voient qu'un savant salafi, parmi les imams d'Ahl-Sunna de notre époque ou d'avant, décidait de réfuter un mubtada, hein, eh ben, des fois, ils utilisaient des paroles et des termes très très durs envers les mubtada. Et à cause de ça, les gens qui connaissent pas vraiment bien l'islam et les principes de la sunna, quand ils regardent ça ou quand ils entendent ça, ils disent « Ah non, vous, vous êtes trop dur » ou « Ah non, vous, vous n'avez pas de respect » ou des choses comme ça, parce qu'ils comprennent pas en fait les principes et les fondements de Ahl sunna wal jama'a. D'accord? Et bien entendu, quand les ulama d'Ahl sunna réfutent un salafi ou un sunni qui a fait une erreur dans une question, ils vont réfuter ce sunni ou ce salafi en utilisant la politesse et en utilisant les bonnes paroles et le respect, hein, parce que c'est un sunni. On accepte son bon comportement et la sunna et tout ce qu'il fait de bien, sauf que on réfute sa bid'a ou on réfute son erreur qu'il a fait, hein, tant qu'il l'a reconnu et qu'il revient, inshallah, ou bien même si parfois c'est une question d'ijtihad ou des choses de ce genre, ou une erreur qu'il a fait dans laquelle il a contredit même un principe du Coran ou de la Sunna, on va le réfuter sur cette erreur-là, mais on va quand même avoir le respect pour lui, hein, tant qu'il s'oppose pas au fondement de Ahl-Sunnati wal-Jama'a. Et s'il s'oppose au fondement d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a, comme les ulama ont expliqué, on l'avertit, hein, ils vont l'avertir et ils vont l'appeler, ils vont le rappeler, etc. Puis s'il voit par la suite, à la fin, qu'il continue à persister dans ses idées d'égarement et qu'il refuse de revenir à la sunna, etc., ben dans ce cas-là, là ils vont utiliser comme ils font pour les mubtadi'a, ils vont réfuter avec dureté. Mais comme on a dit, le cheikh il dit, même si le mubtadi'a il est meilleur que le kafir dans l'au-delà, dans l'autre vie, c'est-à-dire après la mort, il n'est pas mouchrik, il n'est pas kafir. Donc c'est sûr que dans l'au-delà, il est meilleur que le kafir. Hein? Parce que le kafir, lui, il reste en enfer pour l'éternité, tandis que le mubtadi'a, même s'il rentre en enfer, il ne va pas rester éternellement. Il risque de sortir à cause de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que quiconque n'a pas fait de shirk, il ne va pas demeurer éternellement en enfer. S'il n'a pas fait de kouf ou de shirk. D'accord? Donc, dans l'au-delà, il est meilleur que le kafir. Mais dans les règles de la dunya et dans la façon comment les salafs agissaient envers les mubtadi'a dans la dunya, ils étaient parfois plus durs envers eux qu'envers les kuffars déclarés. Il dit parce que le méfait et le danger de que les gens se fassent tromper et égarer par le kafir, hein, le danger que quelqu'un se fasse égarer par le mubtadi' est plus grand que le danger que quelqu'un se fasse égarer par un kafir directement, qui est un kafir déclaré, hein. Et donc c'est pour ça que les salafs, ils étaient plus durs envers les mubtadi'a dans les questions de la dunya. Il dit même que les imams des salafs, quand tu les vois agir avec les mubtadi'a, tu vois que ils sont plus durs envers les mubtadi'a dans les questions d'interaction dans la dunya et dans l'avertissement qu'ils font contre eux, sont plus durs que envers les kuffars. Même si, comme on répète encore, même si le mubtadi'a dans l'au-delà, il est meilleur que le kafir. C'est parce que le mubtadi'a, il est toujours musulman, bien sûr. Mais, il y en a qui disent ça. Ils disent, mais comment? Lui, il est musulman, et lui, il est kafir. C'est ton frère. Ils disent, c'est ton frère, en islam. Hein, il n'est pas devenu kafir. Donc, pourquoi tu parles contre lui, ou pourquoi tu dis des choses contre sa bid'a, ou que tu l'attaques comme ça, hein? Et pourquoi les ulama ils sont durs envers lui et ils lui manquent d'un certain respect qu'ils donnent pas aux autres musulmans, hein. Et pourquoi ils sont peut-être moins durs envers les kuffars que envers ces gens de bid'a là? Pourquoi Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme une choubha parmi les hizbiyyin. C'est, ah, ça, vous êtes plus dur envers les musulmans, qui ont fait des erreurs qu'envers les koufars. Et le cheikh, il répond à cette choubha. Il dit que la raison pourquoi les salafs et les imams des salafs étaient plus durs envers les mubtadi'a qu'envers les koufars, c'est parce que le danger que quelqu'un soit trompé dans sa religion par un mubtadi'a, eh bien, ce danger-là est plus grand de la part du mubtadi'a que de la part d'un kafir. Parce que le mubtadi'a, quand il parle au nom de la religion musulmane, et il parle au nom de l'islam, il parle même au nom de la sunna et au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ce qu'il dit comme si ça faisait partie de la religion. Et donc, les musulmans qui entendent cette parole risquent de se faire tromper beaucoup, beaucoup plus facilement par ce genre de personnage que de la part d'un kafir qui n'est pas musulman. Hein? Et donc, on voit maintenant aujourd'hui dans certaines organisations musulmanes, parmi les groupes de bid'a, lorsqu'ils font des colloques ou des conventions, ils invitent même des koufars comme orateurs ou comme personnes pour faire des conférences aux musulmans. Et parfois même, c'est des soi-disant islamologues non musulmans qui viennent parler aux musulmans de l'islam. Et ça, c'est absurde. Et on n'a pas le droit de prendre notre religion d'un kafir. Peu importe le fait qu'il ait soi-disant une attitude positive, comme eux ils l'appellent, hein. Ah, c'est un mécréant, mais il a une attitude positive envers l'islam, ou il est objectif, ou il a démontré qu'il était sincère envers les musulmans, ou qu'il aimait les musulmans. Mais s'il est kafir, on n'a pas le droit de prendre notre religion de lui, même si c'est un soi-disant spécialiste dans l'islam. Hein. Donc ça, c'est un exemple qu'aujourd'hui, même à ce niveau-là, il y a des musulmans qui acceptent même qu'on prenne notre religion des koufars. Hein. Et ils les prennent comme des références. Pourquoi? Parce que, bien entendu, parfois certains d'entre ces hizbiyyin-là, ils essaient de pousser une certaine compréhension, non seulement aux musulmans, mais aux non-musulmans aussi. Parce qu'ils essaient d'établir un certain islam occidentalisé. Et le fait qu'ils aient le témoignage d'un de ces soi-disant islamologues koufars, pour les médias et pour les autres, ça représente pour eux comme une sorte de témoignage et pour dire, regardez, on a des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont avec nous et qui vous disent, à vous qui n'êtes pas musulmans aussi, et aux musulmans, que c'est ça, qu'est-ce qu'on suit, c'est ça qui est l'islam. Et donc, lui, il n'a pas de parti pris, il est neutre, soi-disant. C'est ça leur principe ou leur point de vue. Que on peut pas prendre si on prend des savants, peut-être ils ont un parti pris dans l'islam. Tandis que les non-musulmans, étant donné qu'ils sont neutres entre soi-disant les groupes ou quoi, ils sont plus objectifs. Et allez, c'est des choubouhats, bien entendu, ça n'a rien de vrai. Mais le mubtadi', en principe, le kafir, les musulmans, ils savent en général que si un kafir vient, il parle de l'islam, ils vont pas l'écouter. Ça, c'est en général. Mais, sauf ces gens de bid'a qu'on a mentionnés. Mais les autres, si c'est un mubtadi' qui parle, ou quelqu'un qui donne l'apparence qu'il est religieux, qui parle au nom de l'islam, ils vont l'écouter, ils risquent de s'égarer à cause de lui. Hein. Et ça, on l'a vu, on le voit dans les chaînes satellites et dans d'autres choses. Des gens qui parlent au nom de l'islam, qui donnent l'apparence de l'islam, mais qui sont sur une bid'a. Ok? Donc, ça, il y a ça. Après, il dit que les gens de bid'a, ils mélangent le faux avec le vrai. C'est-à-dire, c'est pas facile à distinguer parfois pour les gens. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce que ces gens-là racontent. Parce qu'ils peuvent mélanger, ils peuvent dire beaucoup de choses qui sont bonnes et qui sont vraies, mais ils les mélangent avec des choses fausses. Et donc, les gens qui savent pas les détails, ils vont se laisser tromper facilement. Et Annie, donc, il faut faire attention. أَمَّا الْكَافِرْ فَلَا يُقْبَلْ كَلَامُهُ فِي الْإِسْلَامِ لِكَوْنِهِ كُفْرِهِ مَعْلُومًا ظَاهِرًا فَلَا يُخْتَرُ بِهِ Okay. Après, il dit, وَمِنْ هَذَا قَوْلُ الْفُضَيْلِ بْنُ عِيَابِ Il donne des exemples de ça, parmi les paroles des salafs as-salih. Les paroles de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, il dit لأن آكل آكل لأن آكل عند اليهود أو لأن آكل عند اليهود والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة فإني إذا أكلت عندهما لا يقتدى بي وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بالناس أو اقتدى بي الناس أحب أن يكون بيني وبين أصحاب بدعة أو بين صاحب بدعة حصن من حديد. Regardez les paroles de l'imam Al-Fudayl ibn Ayyad, regardez ce qu'il dit. Il dit, je ne mangerai pas chez un chrétien, ou non, il dit, je ne mangerai pas chez un chrétien ou un juif. Non, pardon. Il dit, je recommence, il dit, je préférerais manger chez un juif ou chez un chrétien que de manger chez un mubtada, quelqu'un qui a une bid'a. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant pour certaines personnes. Hein. Aujourd'hui, ils disent, comment tu critiques les gens de bid'a et tu les attaques et tu montres envers eux plus de haine et d'opposition qu'envers les koufars, juifs et chrétiens. Comment ça se fait? Aujourd'hui, tu vois, qui est-ce qui représente un plus grand danger pour l'islam et pour les musulmans? Quand quelqu'un se lève parmi les gens d'Ahl al-Sunnah pour dire la vérité, c'est qui démontre envers eux plus d'opposition et qui va même inciter les koufars contre eux? C'est les gens de Bid'a. Hein, parce que les gens de Bid'a, en principe, ils sont toujours alliés des koufars. Hein, ils sont toujours contre les gens d'Ahl al-Sunnah. Les gens de Bid'a sont toujours contre les gens d'Ahl al-Sunnah. Et toujours, ils sont toujours prêts à s'allier avec eux contre les gens d'Ahl al-Sunnah. Hein? Ils n'ont aucune gêne et aucune honte à ce sujet-là. Donc on voit ici que l'imam, c'est le contraire pour les salafs. Il dit, je préfère manger chez un juif ou chez un chrétien que de manger chez un mubtadi'. Il dit, pourquoi? Il explique maintenant pourquoi. Hein? Il dit, parce que si je mange chez un juif et un chrétien, personne ne va me suivre là-dedans. Tout le monde sait que c'est des juifs et des chrétiens que je vais manger chez eux. Personne ne va prendre ça comme un exemple à suivre. Toutefois, si je vais manger chez un mubtadi', hein, chez quelqu'un qui a une bid'a, les gens vont penser que ça veut dire que je suis d'accord avec lui et que je prends de lui ou que j'accepte que les gens prennent de lui. Et ça va être comme une sorte de sceau, que les gens vont prendre ça comme étant une indication qu'il est correct et que je suis d'accord avec lui. Et ça c'est dangereux. C'est pour ça qu'on invite les ulama, ils disent toujours aux gens, évitez d'aller dans les mosquées des gens de bid'a faire des conférences, ou d'aller dans les conventions, des conventions qu'ils organisent, d'aller faire des conventions et de participer avec eux. Parce que si vous allez là-bas et participez avec eux, les gens vont prendre ça comme une référence pour dire, tel ou tel cheikh ou telle personne est allé là-bas, et donc ça veut dire qu'il est d'accord avec eux, et qu'ils sont corrects, et qu'on a le droit d'y aller. Hein, ça c'est un exemple. Donc il faut faire attention à ça. Et si par exemple les ulama disent, si quelqu'un y va, il faut uniquement que ce soit dans le but de réfuter les égarements et les erreurs des gens de bid'a. Sinon, il n'a pas le droit d'y aller. Ensuite, il dit, j'aimerais qu'il y ait entre moi et la personne qui fait la bid'a une muraille de métal, ou un mur de métal, yani qui les sépare entre moi et eux. C'est à quel point, comment ils détestaient les gens de bid'a, hein, plus que les koufars et les juifs et les chrétiens. Il mentionne une autre citation, Dhukira inda Ibrahim al-Nakhai, ça c'est un des imams des salafs, Dhukira inda Ibrahim al-Nakhai al-Murji'a, faqal wallahi innahum أبغض إلي من أهل الكتاب. الإمام إبراهيم النخعي إلى أن يمتني للمرجئة، ceux qui disent que la foi ne fait pas partie des actions، les actions ne font pas partie de la foi. Il a dit par Allah، il a juré par Allah qu'il les détestait plus que les gens du livre. Il détestait plus les مرجئة que les gens du livre. D'accord؟ Et il a dit aussi, وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدْ أَشَارَ عَلَى الْخَلِيفَةِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَ وَلَا يَسْتَعِينُ بِأَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَاءِ. Ça c'est dans Manaqib al-Imam Ahmad ibn al-Jawzi. Il a dit que parmi les exemples à ce sujet, l'imam Ahmad ibn Hanbal a indiqué au Khalifa al-Mutawakkil, après que la fitna de Khalq al-Qur'an soit terminée, il a indiqué au Khalifa de prendre comme travaillant ou pour, comme aide les juifs et les chrétiens. Dans certaines positions, et de ne pas prendre les gens de Bid'a et de Ahwa. Alors qu'auparavant, l'imam Ahmad, et même les autres ulama, même l'imam Omar ibn al-Khattab, il disait ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme employés ou des trucs comme ça. Et là, après la fitna, il disait, l'imam Ahmad, ne prenez les gens du livre, mais ne prenez pas les gens de Bid'a. Pourquoi? Parce que les gens de Bid'a sont plus dangereux que les juifs et les chrétiens. Les gens de Bid'a qui appellent à dire que le Coran est créé, des trucs comme ça, surtout les Mu'tazila et les Jahmi et les autres, sont plus dangereux pour l'islam et pour les musulmans que les juifs et les chrétiens. Parce que les musulmans, s'ils voient un juif ou un chrétien qui disent des choses fausses à propos d'Allah, ils vont pas les suivre là-dedans. Mais s'ils voient quelqu'un qui parle au nom de la religion musulmane et qui parle au nom de l'islam et qui dit des choses fausses, les gens vont le croire. Et qu'est-ce qui est triste aujourd'hui, c'est que le plus grand ennemi des musulmans actuellement, si on prend en considération la réalité de ce qui se passe dans le monde musulman et même dans les pays non musulmans, le plus grand ennemi des musulmans, c'est l'ignorance des musulmans. L'ignorance des musulmans à propos de leur religion. Et ça, c'est très triste. Parce que qui joue sur cette ignorance-là et qui en profite de cette ignorance-là, c'est les Mubtadi'a et les Kuffars. Les Mubtadi'a et les Kuffars, quand ils constatent l'ignorance des musulmans, ils en profitent et ils l'utilisent en leur faveur. Donc ça c'est très triste en fait. Et après il mentionne une autre parole de Ibn Muflih al-Hanbali. إذ قال ابن مفلح ويحرم بأهل الأهواء في شيء من أمور المسلمين لأن فيه أعظم الضرر لأنهم دعاة واليهود والنصارى لا يدعون إلى أديانهم نص على ذلك وعنه في اليهود والنصارى لا يغتر بهم فلا بأس فيما لا يسلطون فيه على المسلمين حتى يكونوا تحت أيديهم وقد استعان بهم السلف. Le Cheikh mentionne les paroles de l'imam Ibn Muflih dans son livre Al-Furu' et il dit que c'est pas permis de céder par les gens de Bid'a en ce qui concerne les affaires des musulmans. Donc dans les questions d'État, des affaires qui ont rapport avec les affaires administratives chez les musulmans, on n'a pas le droit d'utiliser l'aide des Mubtadi'a. Ça, c'est à quel point les Mubtadi'a sont humiliés par les gens d'Ahl Sunnah. Pourquoi? Parce qu'ils créent la division, ils amènent les problèmes et la fitna. Et il dit parce que le fait de céder des gens de Bid'a, ça, il y a dans ça de grands torts et de grandes nuisances parce qu'ils appellent à leur bid'a. Il dit tandis que les juifs et les chrétiens, eux, n'appellent pas à leur religion. En particulier les juifs, ils n'appellent pas à leur religion. Les juifs, eux, par exemple, ils n'appellent pas à leur religion, mais en échange, ils appellent à plein d'autres idéologies, autres que leur religion, avec lesquelles ils font des propagandes et qu'ils divisent les gens en se basant sur ces idées-là, des idées comme le communisme ou le socialisme ou d'autres idéologies comme ça. C'est-à-dire, ils sont pas en train de dire aux gens de devenir juifs, mais ils appellent à d'autres idées qui impliquent des formes de kufr et de shirk, comme la démocratie, la laïcité et d'autres trucs de ce genre. Donc ça c'est des exemples de la da'wa des juifs, dans ce cas-là, ça c'est, bien entendu, il faut faire attention. Et la da'wa des chrétiens, c'est la même chose. Maintenant, si c'est des missionnaires chrétiens et autres, bien entendu, ça c'est autre chose. Mais en principe, là, l'imam, il parle d'Ahl-Zimma. Il parle des musulmans, des non-musulmans qui vivent dans les pays musulmans à l'époque de ces imams-là. Hein, de ces imams, c'est-à-dire les gens qui étaient à l'époque où l'islam était fort et il y avait les règles d'Ahl-Zimma qui étaient appliquées. Donc, dans ce cas-là, ils étaient, ils pouvaient prendre les juifs et les chrétiens comme employés dans ces pays-là. Et encore aujourd'hui même, quand les musulmans, dans certains pays musulmans, ils ont besoin de faire certaines choses, ils donnent peut-être le contrat à une compagnie qui sont des koufars pour le faire parce qu'ils sont des gens qui sont spécialisés dans ces domaines ou des choses comme ça. Ça, c'est pas interdit si les musulmans en ont besoin. Bien entendu, le cheikh, il dit ici, il faut pas les laisser prendre des positions dans lesquelles ils vont être au-dessus des musulmans, hein, mais sinon, dans d'autres cas, c'est permis de céder d'eux. Mais c'est ça. Donc, il dit, on peut pas être trompé par les juifs et les chrétiens nécessairement, mais toutefois, par les mubtadi'ah, c'est plus dangereux. Non. Donc, c'est ça. Le frère, il mentionne un point important ici, c'est que comme le Cheikh Mourdel et Ibn Asimine ou d'autres ulama, ils ont dit que, ah, Mohamed Aman, non, c'est vrai, oui. Je me souviens qu'il a dit ça vraiment. Il a dit, c'est triste qu'on amène des gens qui viennent travailler dans les pays musulmans et il dit on profite de leur technologie, de leur connaissance, de leur expertise dans certains domaines, mais on n'en profite pas pour même leur présenter l'islam puis leur montrer la beauté de l'islam et les appeler à l'islam. Il dit ça c'est vraiment quelque chose de dommage. On les laisse repartir comme ça sans même leur parler de la religion musulmane et donc ça c'est pas correct. Et aujourd'hui ça c'est une des causes qui est triste, c'est que les gens ils ont délaissé en quelque sorte la da'wa à l'islam. Naam. Donc il reste encore quelques minutes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans le prochain chapitre. Juste pour commencer à expliquer quelques points dans ce chapitre-là, puis on continuera après le reste la semaine prochaine, inshallah. Dit al-fasl al-rabi' ba'd al-khalal fi al-fatwa al-jama'iyya. Et ça c'est un point, c'est une partie du livre qui est très intéressante. C'est-à-dire cette partie-là, il répond à certaines erreurs ou certaines choses incorrectes qui ont été mentionnées dans leur fatwa au sujet des Ash'ara. Ok, il dit إليك عشرة أخطاء شرعية في هذه الفتوى الجماعية على وجه الاختصار. On va te présenter 10 erreurs qui sont contraires à la charia dans cette fatwa de groupe qui sont présentées de façon résumée. Ok. La première, الأول, عدم جعلهم الأشاعرة من الاثنين والسبعين فرقة الضالة مع أن حالهم ما تقدم ذكره فهذا إما أن يرجع إلى عدم معرفتهم بالأشاعرة والماتريدية أو عدم معرفتهم بتأصيل أهل العلم وضابطهم في إخراج الفرقة المخالفة من الناجية إلى عموم الاثنين والسبعين فرقة وكلا الاحتمالين قبيح بأحدهم فكيف وهم مجتمعون. Le premier point parmi les erreurs de cette fatwa qu'ils ont fait ces gens-là, parmi les points qu'ils ont fait comme erreur, la première erreur, et c'est la plus grave, c'est qu'ils n'ont pas considéré les Asha'ira comme faisant partie des 72 sectes égarées. Ça, c'est la base de l'égarement, et c'est la base de cette fatwa, de l'égarement de cette fatwa. Il dit, malgré qu'on a mentionné l'état de ces gens-là, et c'est quoi leur aqidah et leurs principes qui sont contraires au fondement de l'Ahl-Sunnah. Donc, la raison pour lesquelles ils ne les ont pas comptés parmi les 72 sectes égarées, c'est probablement une de ces deux possibilités-là. Soit qu'ils ne connaissent pas les Asha'ira et les Maturidiyah, ne connaissent pas la réalité de ces sectes-là, Donc ils les ont comptés parmi les sectes d'Ahl Sunnah à cause de leur ignorance de ces sectes, ou soit qu'ils ne connaissent pas les fondements d'Ahl Sunnah sur lesquels les imams se basent pour déclarer que les gens ou qu'une secte sort de sort du groupe sauvé. Donc c'est soit une des deux. Soit qu'ils connaissent pas Ahl Sunnah, ou soit qu'ils connaissent pas les principes et les fondements d'Ahl Sunnah et Al-Jama'a, ou soit qu'ils connaissent pas les égarements des Asha'ira et Maturidiyah. C'est une des deux. Et si c'est une de ces deux-là, ça suffit comme erreur et comme problème. Donc imaginez si les deux erreurs sont réunies ensemble. C'est-à-dire s'ils ignorent les deux. Ils ignorent les bid'a et le manhaj des Asha'ira, et en plus de ça, ils ignorent les fondements d'Ahl Sunnah, donc ça c'est encore pire. Donc ça c'est un exemple. Deuxièmement, جوزوا التعاون مع أهل البدع على البر والتقوى وهذا مخالف لهدي السلف مع أهل البدع كما تقدم ذكره إذ الأصل العداء والبعد عنهم إلا لمصلحة شرعية وهو خلاف الأصل. Le cheikh il dit qu'ils ont déclaré que c'est permis d'interagir et de coopérer avec les gens de bid'a dans la piété et dans le bien. Et il dit que ça, c'est contraire à la guidance des salafs, par rapport aux gens de bid'a, comme on l'a mentionné dans le chapitre qui a précédé. Parce qu'on a vu dans le chapitre qui a précédé que, à la base, les salafs, ils s'opposaient et ils avaient une opposition aux gens de la sunna et qu'ils s'éloignaient d'eux. Excepté s'il y avait un bienfait qui retourne. Pardon? Oui. Pardon. Ok, je me suis trompé, j'ai dit les gens de la sunna, mais c'est ça. C'est-à-dire, à la base, les gens de Ahl Sunnah s'éloignaient des gens de la bid'a et ils s'opposaient aux gens de la bid'a. Et donc ça, c'est à la base. Excepté s'il y a un bienfait qui revient, qui est établi par la sharia, dans ce cas-là, peut-être dans certaines situations ou dans certains cas bien précis, qui sont acceptables selon la sharia, mais sinon, en d'autres cas, c'est contraire à la base. La base, c'est-à-dire de s'opposer aux gens de bid'a et de s'éloigner d'eux. D'accord? Donc il y a des gens aujourd'hui qui disent, comme la règle des ikhwan, la règle d'or, نتعاون مع بعض فيما اتفقنا عليه ونعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه فيما اختلفنا فيه. Donc on s'excuse sur les points sur lesquels on est en désaccord, on s'excuse entre nous. Et les choses qu'on est en accord, on cède, on coopère ensemble, on cède entre nous. Et ça, c'est exprimé parfois par d'autres choses. Des fois, il l'exprime d'autres façons, en disant par exemple, il ne faut pas regarder ce qui nous divise, il faut regarder ce qui nous unit. Il faut regarder ce qu'on a en commun et non pas ce qu'on a en désaccord, ce qui existe comme des désaccords entre nous. Et ça, il l'applique même avec les kuffars et les mushrikines et les mubtadi'a et avec tout le monde, sans limite. Donc il l'applique avec les rafidah, il l'applique avec les shi'a rafidah, il l'applique avec les khawarij, il l'applique avec les soufis, il l'applique avec les asha'ara, il l'applique même avec les chrétiens et avec les juifs et avec les laïcs et avec les communistes et avec les tous les groupes qui peuvent exister. Vous allez les voir par exemple faire des manifestations avec les communistes parce qu'ils vont dire « Ah, nous on est d'accord ensemble sur le fait que la mondialisation ou telle guerre en tel pays c'est pas correct ou telle chose c'est injuste, donc étant donné qu'on est d'accord sur ce point-là, on va marcher ensemble et on va manifester ensemble. » Donc tout ce que les gens sont d'accord, s'ils sont d'accord sur n'importe quoi, ils vont coopérer avec eux et travailler avec eux, même s'ils sont en désaccord, subhanallah. Donc ça c'est des exemples, et donc nous on dit non, ça c'est pas notre principe. Nous on coopère avec les gens qui sont sur la vérité et qui suivent le Coran et la Sunna, qui font partie des gens qui suivent la Sunna et qui s'écartent des bid'a. Et on coopère pas avec les mubtadi'a. Le Cheikh il dit خلطوا وقاسوا قياسا فاسدا وذلك انهم قاسوا التعاون مع عموم الأشاعرة بالتعاون مع الحاكم ولي الأمر المبتدع كأن يكون أشعريا والشريعة فرقت بين ولاة الأمر وعامة الناس ومعتقد أهل السنة في كتب الاعتقاد أن يقاتل ويصلي مع ولاة الأمر ولو كانوا فجارا مبتدعة وهذا ما لا يكون مع عامة الناس. Le Cheikh il dit que une erreur que les gens que ces gens-là ont fait dans leur fatwa quand ils ont parlé des Asha'ira, ils ont essayé d'utiliser comme preuve qu'on a le droit de coopérer avec eux. Ils ont utilisé l'exemple du fait que les salafs ont dit que on doit prier derrière les dirigeants musulmans qui font des péchés et qui sont injustes et qui font des bid'ah, et que l'imam Ahmad rahimahullah a prié même derrière les jeunes bid'ah, ou certains parmi les imams des salafs ont dit qu'il faut prier derrière n'importe quel imam qui est injuste ou qui fait des péchés, et même de combattre avec lui contre l'ennemi. Donc ils ont dit, si c'est comme ça pour le dirigeant, ils ont fait une analogie entre le dirigeant et les gens en général, parmi les mubtadi'ah, parmi les shuyukh qui appellent à une bid'ah. Et ils ont essayé de faire une comparaison entre ces deux choses-là. Et le cheikh, il dit non, on ne peut pas faire ce genre d'analogie entre les dirigeants et les gens ordinaires. Parce que ces ordres-là qui nous ont été donnés au sujet des dirigeants, de ne pas s'opposer à eux et de combattre les ennemis avec eux et de prier derrière eux même s'ils font des péchés ou des bid'ahs, ça c'est spécifique aux dirigeants et à ceux qui sont en position d'autorité sur nous. Mais les gens ordinaires, parmi les mubtadi'ah, qui ne sont pas des dirigeants, c'est pas la même chose. Donc tu ne peux pas faire des comparaisons entre ça et ça et utiliser cet exemple-là pour prouver que c'est permis de coopérer avec eux. Et ça, c'est une autre erreur qu'ils ont fait dans leur fatwa. Quatrièmement, أنهم جعلوا كثرة وجود الأشاعرة في العلماء دليلا على أن الأشاعرة من أهل السنة، وهذا خطأ، فإن مما يعرفه المبتدئون من طلاب العلم أن أفعال وأقوال واعتقاد أهل العلم ليست حجة ما لم يجمعوا على ذلك، فكيف جعلوا فعل الكثير حجة؟ وأنبه إلى أنه ليس معنى كونهم أشاعرة أن لا يستفاد من علمهم، فلا تعارض بين كونهم أشاعرة والاستفادة من علمهم عند الحاجة، كما فصل ذلك علماء السنة أو علماء أهل السنة. Le Cheikh il explique que, comme quatrième point, l'erreur de ces gens-là qui ont fait cette fatwa, c'est qu'ils ont pris le nombre des soi-disant savants qui sont à Sha'ara comme si c'est une preuve que les Asha'ara font partie de Ahlus Sunnah, en voulant dire « Ah, il y a beaucoup de savants qui ont été dans cette secte, et donc ça prouve que c'est des gens de Ahlus Sunnah, parce qu'ils sont nombreux. » Et le Cheikh il dit, et tout le monde sait, parmi même les débutants dans la science islamique, commence à apprendre que les actions et les paroles et les croyances des savants ne sont pas des preuves et des références tant qu'ils ne se sont pas tous mis d'accord sur ces croyances-là. Alors comment on pourrait dire dans ce cas-là que le fait que beaucoup d'entre les savants ont fait quelque chose comme si ça serait une preuve, ça c'est inconcevable, incorrect, inacceptable. Parce que la quantité de gens qui suivent une bid'a ou une erreur, c'est pas une preuve que cette bid'a-là est acceptable ou qu'elle est acceptable et qu'elle fait partie de la sunna. D'accord? Donc c'est pas par le nombre qu'on reconnaît la vérité. C'est si elle est en accord au Coran et à la sunna et à l'ijma des salafs. D'accord? Et le cheikh il dit, j'aimerais aussi indiquer le fait que, lorsqu'on dit que certaines personnes ou certains parmi des shuyukh sont des asha'ira et qu'ils ont écrit des livres, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter et bénéficier de ces connaissances-là. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune contradiction entre le fait que ces savants-là soient des asha'ira et qu'on profite de la science qu'ils ont lorsque c'est nécessaire. Comme ça a été clarifié en détail par les ulama de Ahlus Sunnah. Un autre point, الخامس, جعل المزي أشعريا خطأ كبير بل هو من أئمة السنة كما يعرف ذلك من طالع كلام أئمة السنة في عصره وقصة شرحه لكتاب البخاري خلق أفعال العباد قصة شرحه لكتاب البخاري خلق أفعال العباد مشهورة. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: ترافق هو وابن تيمية كثيرا في سماع الحديث وهو في النظر وفي النظر في العلم، وكان يقرر طريقة السلف في السنة. Donc le cheikh il dit que une autre erreur qu'ils ont fait dans leur fatwa, c'est qu'ils ont compté le al-Hafiz, l'imam al-Mizzi, parmi les Asha'ira. Il dit ça c'est une grave erreur de leur part. En fait, l'imam al-Mizzi c'est un des imams parmi les imams d'Ahl-Sunnah. Et ça, n'importe qui a cherché un peu dans les paroles des imams de la Sunna, il voit que il était considéré comme étant un imam parmi les imams d'Ahl-Sunnah à son époque. Et l'histoire de son sharh du livre Al-Bukhari et de la création, le livre Khalq Af'al al-Ibad est bien connu à ce sujet-là. Et il mentionne les paroles de l'imam al-Zahabi dans son livre Tadkirat al-Huffaz, le volume 4, la page 1499, il dit que l'imam al-Mizzi a été le compagnon de l'imam ibn Taymiyyah dans l'étude du hadith et dans l'écoute du hadith et dans l'étude de la science islamique. Donc ils ont été tous les deux des compagnons et ils affirmaient la voie des salafs dans l'aqidah et dans la sunna. Donc ça veut dire que l'imam al-Mizzi, c'est pas un mutawatir, c'est pas un ash'ari, c'est un salafi. Et c'est un imam parmi les imams de l'Ahl-Sunnah. جعلهم جميع شراح البخاري أشعرة خطأ فاضح، فإن مما يعلمه المبتدئون من طلاب العلم أن من شراح البخاري ابن كثير وابن رجب وهما من علماء السنة. Les chefs ils ont considéré ou ils ont compté parmi ils ont dit que tous les savants qui ont écrit des explications ou des commentaires du Sahih al-Bukhari sont tous des Asha'ira. Et il dit que ça c'est une grave erreur. Il dit, et c'est quelque chose que tous les débutants en sciences islamiques connaissent, que al-Bukhari a été commenté par des savants parmi les ulama salaf, des salaf et parmi les ulama d'Ahl-Sunnah, comme par exemple l'imam Ibn Kathir et l'imam Ibn Rajab, qui ont défendu et supporté la aqidah des salaf salih. Al-qawlu bi-annahum, ça c'est le septième, al-qawlu bi-annahum lam ya'rifu min a'immat al-salaf min amri man amara bi-i'adat al-salati khalf al-ma'mun. Qusurun min qa'ilihi, waqad rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitab al-sunnah, anna Yahya ibn Ma'in kana yu'idu al-salat al-jum'a munzu adhara Abdullah ibn Harun al-ma'mun ما أظهر يعني القرآن مخلوق. Ils disent que une erreur aussi qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit que aucun des imams des salaf n'a été connu ou on a dit d'eux que il avait refait sa prière derrière al-Ma'mun, celui qui avait commencé la fitna de khalq al-Qur'an. Et le cheikh il dit que ça c'est une négligence de leur part, c'est-à-dire ils n'ont pas assez cherché, parce que l'imam Ahmad, l'imam Abdullah ibn Ahmad, le fils de l'imam Ahmad, il a écrit dans son livre As-Sunnah que Yahya ibn Ma'in, qui est un des imams parmi les imams des salaf, refaisait la prière de Jumu'ah qu'il avait fait derrière Abdullah ibn Harun al-Ma'mun depuis qu'il avait exprimé qu'il croyait en khalq al-Qur'an, en la création du Qur'an. Et un autre point, قولهم يجب التأدب بأداب السلف حق وها نحن ندعوهم من هذا المنطلق أن يتأدبوا بأداب السلف ويقوموا بواجب الله تجاه الأشاعرة وأن يتراجعوا عن فتواهم علانية. Il dit qu'il est obligatoire de prendre comme comportement le comportement des salaf. Il dit ça c'est vrai. Et nous, de cette façon, on les appelle et on les invite également de suivre le comportement et l'exemple des salaf et de faire ce qui est obligatoire pour eux de faire vis-à-vis des Asha'ira et de revenir sur leur fatwa qu'ils ont fait ouvertement, c'est-à-dire de revenir sur cette erreur qu'ils ont fait dans cette fatwa. Hein, il y a beaucoup de gens qui disent ça parfois. Ils disent « Ah, vous suivez pas le comportement des salafs dans votre façon de réfuter les mubtadi'ah. » Ben en fait, eux ils disent pas les mubtadi'ah parce que ils considèrent que ces gens de bid'ah-là sont des gens d'Ahl-Sunnah. Donc ils disent « Tu dois agir bien avoir le bon comportement des salafs envers les gens d'Ahl-Sunnah. » Sauf que ceux qu'ils considèrent eux comme étant des gens d'Ahl-Sunnah sont en réalité des gens de bid'ah. Et c'est ça ce qu'ils n'ont pas compris. Et parfois c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Et ils essaient de les critiquer sur le comportement qu'ils ont parce qu'ils pensent que la façon dont ils agissent en réfutant avec dureté ces gens-là, ils pensent que c'est quelque chose qui est contraire à la voie des salafs. Alors qu'au contraire, ça fait partie de la voie des salafs. Il dit l'avant-dernier point. حصر الخطأ أو حصر الخطأ الأشاعرة في تأويل بعض الصفات فحسب غلط ظاهر كما تقدم بيانه يدل على عدم معرفتهم بحال الأشاعرة مما يبين أن حكمهم فيهم غير مقبول فلا أدري العجب من حكمهم في الأشاعرة أم جهلهم بهم 9e point. Une autre erreur qu'ils ont fait dans leur fatwa de groupe, c'est qu'ils ont considéré ou ils ont limité la bid'a des Asha'ira ou l'erreur des Asha'ira dans le fait de déformer le sens de certains attributs seulement. Et ils disent que ça c'est une erreur apparente, parce que la bid'a des Asha'ira, comme on l'a expliqué au dernier cours, c'est pas juste au sujet de ta'wil de certains attributs, mais c'est au sujet de différents autres points qu'on a mentionnés, au sujet du qadar, au sujet du tawhid, au sujet de Al-Iman et d'autres. Donc il dit que ça prouve qu'ils ne connaissent pas du tout la réalité des Asha'ira, et donc ça montre que leur jugement au sujet des Asha'ira ne doit pas être accepté. Et il dit, je ne sais pas lequel des deux est le plus étonnant, le jugement qu'ils ont donné au sujet des Asha'ira ou leur ignorance des Asha'ira. Et il dit comme 10e point, الجزم بأن الأشاعرة كلهم معذورون في اجتهادهم ضرب من الغيب ومقتضاه أن لا يكون بينهم من هو مفرط في من هو مفرط في طلب الحق أو من اجتهد وليس أهلا لذلك أو معاند وهكذا وهذا يكذبه الواقع الذي لا يخفى على كل عارف ومنصف للشيخ الذي comme dernier point, que ces gens-là, ils ont dit ils ont affirmé de façon certaine que les Asha'ira sont tous excusés pour leur effort dans la recherche de la vérité au sujet de l'aqida. Et le cheikh, il dit que ça, de dire ça, ça fait partie du raid. Tu peux pas dire ça avec certitude de cette façon, parce que ça implique qu'il n'y en aurait aucun d'entre eux qui aurait était par exemple négligent dans sa recherche de la vérité, ou qu'il aurait fait une ijtihad et un effort alors qu'il ne fait pas partie de ceux qui possèdent les outils de l'ijtihad, ou qu'il n'y aurait parmi eux aucune personne qui s'oppose à la vérité de façon par orgueil ou pour d'autres raisons de ce genre. Donc ces gens-là qui s'opposent à la vérité après qu'ils aient connu et qu'ils s'opposent à la vérité ne sont pas excusés comme les autres. Donc c'est pour ça que en réalité comme on le constate et comme on le voit, beaucoup d'entre ces gens-là, lorsqu'on leur montre l'erreur qu'ils ont dans leur aqida parmi les Asha'ira aujourd'hui, on voit qu'ils refusent la vérité, ils la rejettent. Et donc ces gens-là ne sont pas excusés. Ceux qui sont excusés, c'est ceux qui ont vraiment fait l'effort avec sincérité, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour trouver la vérité et qu'ils n'ont pas réussi à l'atteindre, et qu'ils possédaient les moyens de faire la recherche, mais il y en a qui n'ont pas réussi à la trouver. Donc ces gens-là sont excusés, mais on ne peut pas généraliser de façon certaine de cette façon comme ces gens-là l'ont fait dans leur fatwa. Tambihan. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis la semaine prochaine, bi'idhnillah, on continuera avec deux points que le Cheikh mentionne à ce sujet-là. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.